Comme disait mon grand-père, et sans doute le vôtre, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La chanson du Moyen-Âge. Alors le tu devient vous. J'ai beau me sentir tu. Le temps a tué les ans. Et je me voue. À faire semblant de croire. Que j'ai grandi sans le savoir. Alors voilà, et bien sûr. D'être bleu, le fruit s'il est jauni, on dit plus mûr. C'est pas un cheveu blanc qui fait que ça me glace. Pour autant. Connaître la veille, cette maudite épitaphe. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Je veux sans plus attendre, tant que mes jambes me portent marcher, tant que les beautés du monde m'y exhortent regarder, tous les sons que les ombres rapportent écouter, tout ce que la vie m'apporte. Passionné. Prêcher cette épitaphe. Si je n'ai si vieillesse pouvait.